Question 4. Je peux stationner sur les emplacements à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.